Il est formellement impossible que l'unanimité de cette communauté se regroupe, c'est-à-dire s'accorde sur une voie d'égarement, contrairement aux autres communautés, qui au fur et à mesure du temps se sont toutes accordées sur une forme d'égarement. Cette communauté est préservée, il y aura toujours dans cette communauté des gens et un groupe qui resteront fermement sur la vérité, fermement sur les préceptes que le prophète alayhi salam nous a enseignés. كما ثبت ذلك من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي رواه الحاكم في مستدركه وهو حديث ثابت et ceci conformément au hadith de عبد الله بن عباس où le prophète عليه الصلاة والسلام dit إن الله أو لا يجمع الله أو لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا le prophète صلى الله عليه وسلم dit Allah subhanahu wa ta'ala ne regroupera jamais la totalité de ma communauté sur un égarement. Et la main d'Allah se trouve au-dessus du peuple. Et aussi parmi les bienfaits de cette communauté dont Allah subhanahu wa ta'ala les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accorder annaha هو أن الله سبحانه وتعالى اختصها بالوسطية وبالشهادة على الناس. Le fait que الله سبحانه وتعالى a accordé à cette communauté le fait ou le choix d'emprunter la voie du juste milieu. Et il a fait de tout adepte ou de toute personne inclue dans cette communauté un témoin pour les autres. Un témoin pour ou contre les autres communautés. قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء لتكونوا شهداء على الناس. Et voici pourquoi et voici comment Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait suivre la voie du juste milieu et il a fait de vous des témoins pour les gens. فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى سياق venu d'un hadith qu'a rapporté l'imam al-Bukhari de Sahih un hadith de Abu Sa'id al-Khudri où il dit que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit يجيو نوح يوم القيامة وأمته يجيو نوح يوم القيامة وأمته نوح عليه الصلاة والسلام il se présentera le jour de la résurrection avec sa communauté. فيقول الله عز وجل لنوح هل بلغت هل بلغت et نوح où Allah subhanahu wa ta'ala dira à نوح en ce moment-là est-ce que tu as transmis mon message est-ce que tu as transmis mon message فيقول نوح عليه الصلاة والسلام نعم أي رب نعم أي رب Et voilà que Noé répondra, bien sûr mon Seigneur, j'ai transmis ton message, j'ai transmis ton message. Fayaqulullahu ta'ala jalalu li ummatihi. Et voilà qu'Allah subhanahu wa ta'ala se tournera vers la communauté de Noé. Et il leur dira, hal balaghakum, hal balaghakum. Est-ce qu'il vous a transmis Est-ce qu'il vous a transmis le message Allah demandera à la communauté de Noé. Est-ce qu'il vous a transmis le message Fayaquluna. Là, Fayaquluna là, Manja'ana min Nabi. Manja'ana min Nabi. Et une grande partie de la communauté de Noé diront alors, non, il ne nous est pas parvenu le moindre prophète. Il ne nous est parvenu de prophète. Fayaquluna jalla jalala min Noé. عليه الصلاة والسلام. Et voilà qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Noé, من شهد لك من شهد لك Qui peut témoigner pour toi Qui peut témoigner pour toi فيقول نوح عليه الصلاة والسلام محمد وأمته محمد وأمته Et voilà que Noé dira, ceux qui peuvent témoigner pour moi sont Mohammed ainsi que tous les membres de sa communauté. Ceux qui peuvent témoigner pour moi يوم القيامة يوم لا مال ليس يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا بمن أتى إلا من أتى بقلب سليم يوم لا ذل إلا ذله يعني هم محمد وأصحابه محمد وأمته il dira ce jour-là un jour où rien ne sera utile pour la personne ni ses enfants ni ses biens un jour où nulle personne ne pourra bénéficier d'une quelconque ombre à l'exception de celui que Allah subhanahu wa ta'ala choisira ce jour-là nous dira Mohammed ainsi que les membres de sa communauté peuvent témoigner pour moi fa yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa nashhadu lahu annahu qad balla Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et voilà que nous attesterons pour nous qu'il a bel et bien transmis le message. Qu'il a bel et bien transmis le message d'Allah. Wa kadhalika, wa hadha nahwu qawlihi ta'ala, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas. Et ceci est l'explication du verset que je vous ai précédemment cité. Wa min fadail hadhihi al-ummah. أن الله سبحانه وتعالى ميزها في هذا اليوم العظيم الذي هو يوم القيامة ميزهم بسمات وأوصاف جليلة et parmi les caractéristiques de cette communauté le fait qu'Allah سبحانه وتعالى les a caractérisés et leur a accordé une apparence spéciale le jour de la résurrection كما جاء كما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرة محذرين من أثر الوضوء le prophète عليه الصلاة والسلام dit dans ce hadith que ma communauté se présentera le jour de la résurrection avec des taches et des lueurs blanches sur leurs membres ainsi que sur leur front des taches et une lumière blanche étincelante sur leurs membres ainsi que sur leur front. Et cette caractéristique n'est propre que pour la communauté du prophète. Donc ils seront différenciables parmi toutes les communautés d'avant, parmi toutes les communautés qui nous ont précédés. Et fait partie aussi de ces bienfaits-là le hadith de Hudayfa ibn al-Yaman. Où le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit فضلنا على الناس بثلاث فضلنا يعني أمتي فضلنا على الناس بثلاث le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit on a été préféré face à autrui on a été préféré face à autrui parmi les autres communautés par trois choses دُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَة nos rangs les rangs qu'on établit pour la prière sont équivalents ou sont à l'image des rangs qu'établissent les anges dans les cieux. Et la terre m'a été rendue licite comme lieu de prière. À n'importe quel endroit, je peux sortir, je peux prier. Contrairement aux juifs et aux chrétiens et aux autres communautés qui ne peuvent prier que dans leur lieu de culte. Nous, on peut prier partout. À l'exception des endroits où le dalil est venu pour accepter. La terre, on peut prier partout. Et aussi, cette terre-là, c'est-à-dire la terre ou le sable, est un moyen de purification pour nous. Est un moyen de purification pour nous. Wa u'titu akhira surati al-Baqara, akhira surati al-Baqara, fa hunna min kanzin tahta al-'arsh. Et on m'a donné les derniers versets de la sourate al-Baqara, et ces versets-là sont, le trésor, comme un trésor accroché en dessous. بعرش وخصوص خصوصية هذه الأمة كثيرة ولا ماذا لم نجد الوقت حتى نذكرها بأتمها et les particularités de cette communauté sont énormément nombreuses et on n'a pas le temps de toutes les évoquer لكن من أعظم ميزة أهل الإسلام أنها أول الأمة دخولا للجنة. Cependant, on termine sur ça, sur le fait que parmi les meilleurs, les plus grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à cette communauté, le fait qu'elle est la première, elle est la première des communautés à rentrer au paradis. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit dans un hadith sahih Il nous dit, on est la dernière communauté qui aura vécu sur terre. On est la dernière communauté ayant vécu sur terre. Cependant, on sera la première communauté Yom HaQiyam. La première communauté à être jugée. Et on est la première des communautés à rentrer au paradis. On est la première des communautés à rentrer au paradis. Et en plus de cela, sachez mes frères que cette communauté sera la plus nombreuse au paradis. Sera la plus nombreuse au paradis, comme a dit Abdullah ibn Saoud radiallahu anhu, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, wa al-hadith rawahu l'imam Bukhari, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, inni la arju an takunu shatra ahli al-jannah. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans ce hadith authentique qu'a rapporté l'imam Bukhari, J'ai le fort espoir que la moitié des gens du paradis soient de ma communauté. J'ai le fort espoir que la moitié des gens qui peupleront le paradis soient de ma communauté. Donc sachez que le paradis vous appelle et vous attend. Il vous appelle tous les jours, de nuit comme de jour. Salat tamilu ila al-afkar al-hadama, al-batala, al-mutatarriba, allati tajurru bi sahibiha ila al-kufr wal-ilhad, ou ila al-qatl wal-qital bi ghayriha. Et donc, si vous savez tout cela, oh mes frères, prenez garde aux différents courants de pensée. Aux différents courants de pensée, plus ou moins erronés, qui peuvent entraîner son auteur vers les bas-fonds de l'apostasie et de la méchance, et vers les grands péchés. Wa l'ursil al-khuluq fi ma baynana, fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bu'itha li yutimma makarim al-akhlaq. Et qu'on s'efforce de faire preuve d'un bon comportement entre nous. Et qu'on s'efforce de faire preuve d'un bon comportement entre nous, car certes Allah subhanahu wa ta'ala a suscité le prophète alayhi salatu wa salam pour qu'il parachève les nobles comportements. Et fait partie du comportement de l'islam, le mahabba fi ma baynana. L'amour fraternel, ça fait partie du comportement qu'on doit avoir entre nous. Mohammed Rasulullah. Wa alladhina ma'ahum ashidda 'ala al-kuffar. Rohama ou Bénam. Le prophète, le messager d'Allah, ainsi que ceux qui l'accompagnent, ses compagnons, ils sont durs avec les ennemis d'Allah. Mais tu les trouves miséricordieux entre eux. Le musulman, c'est le frère du musulman. Il ne lui fait pas de tort, il ne l'opprime pas, il ne le trahit pas. Le musulman, c'est celui, le véritable musulman, le véritable croyant, c'est celui dont les musulmans sont préservés de son mal, que ce soit physique ou moral. Wa yarda wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.